Pèlerinage. Pourquoi les Américains applaudissent-ils systématiquement quand leur avion atterrit? Le mystère restera entier à jamais. Faustine récupère son bagage à main et soupire d'appréhension. Quel accueil ses amis lui réserveront-ils? Les pensées se bousculent dans sa tête. En se présentant à eux, saine et sobre, elle voudrait les remercier de l'avoir soutenue dans ses épreuves. Certains ont peut-être souffert de son alcoolisme. Faire amende honorable lui permettra d'alléger la chape de culpabilité qui a pesé sur ses épaules ces 10 dernières années et de faire table rase du passé, sans bombe à retardement apte à favoriser une rechute. Faustine récupère sa valise et la traîne péniblement jusqu'au comptoir Hertz. Dieu que c'est lourd, le chocolat suisse! Se sentant tout à coup prodigue, elle demande à l'hôtesse si par hasard il n'aurait pas une voiture un peu plus grande, un peu plus classe que celle qu'elle a réservée. Mais bien sûr, madame, of course, nous avons exactement ce qu'il vous faut, et nous vous ferons même un petit rabais sur la location. Faustine est si contente qu'elle leur offre un ballotin de chocolat acheté en surplus. Ils en écarquillent les yeux de surprise, on dirait des gamins sous le sapin de Noël. Et la voilà au bout du parc XC, devant une très belle Ford Scorpio, lourde et lente, mais de belle allure, pour rouler à 55 mph. Miles per hours, autrement dit 90 km/h, cela suffit largement. Le confort prime. La valise est dans le coffre, ne reste plus qu'à retrouver la route de Manassas pour aboutir chez Laurie, première étape de ce périple. Faustine s'assied derrière le volant et se retrouve quasiment par terre. Comment fait-on pour avancer et rehausser ce siège? Elle doit se coucher pour que ses pieds touchent les pédales. La situation prêterait plutôt à rire si la jeune femme ne se retrouvait pas totalement isolée au beau milieu d'un parking de 10 000 voitures à la nuit tombante. Bon gré mal gré, elle finit par arriver jusqu'à la cahute du gardien auquel elle demande de bien vouloir sortir pour lui montrer comment régler son siège. C'est chose faite en 30 secondes. Faustine est perdue de reconnaissance, mais sans sacrifier l'autre ballotin pour autant, se met en route. Entre-temps, il s'est mis à pleuvoir. Après moult détours et un SOS téléphonique, elle finit par se garer devant chez Laurie 2 heures plus tard. Les retrouvailles sont enthousiastes. Faustine fait la connaissance de Jeff, le mari de Laurie. Il est boucher et il en a la carrure. Laurie, elle, a laissé tomber son idéal journalistique et travaille désormais dans une compagnie d'assurance. Au moins, ils ont de quoi manger tous les jours sans avoir besoin d'exercer plusieurs boulots différents, à l'instar de la plupart des working poor américains. Ils ont même eu accès à la propriété privée et pu s'offrir une modeste maison dans l'arrière-pays. Ils y aménageront bientôt. Après le repas, Jeff monte le coucou suisse cadeau de mariage et y parvient avec succès. Désormais, ils seront réveillés tous les quarts d'heure par un joli chant d'oiseaux. Cet exploit accompli, le jeune couple s'installe au salon, insère une cassette vidéo dans l'appareil idoine et c'est parti pour 2 bonnes heures de souvenirs émus. L'intégralité de la cérémonie de leur mariage y passe. Faustine, dont l'horloge interne sonne 2 puis 4 heures du matin, s'ennuie à mourir. Elle ne reconnaît personne parmi cette assemblée. Épuisée, elle aimerait bien dormir. Heureusement, ses amis devant se lever à 5 heures du matin, travail oblige, et lui laisse enfin la place. Inutile de préciser qu'elle se glisse dans ses draps avec une joie non dissimulée. Les 3 jours suivants, la jeune femme retrouve ses marques dans les environs. Le paysage ne s'est pas beaucoup modifié en 7 ans, si ce n'est quelques enseignes qui ont changé de propriétaire. En fin d'après-midi, elle rentre préparer le souper promis. Bœuf bourguignon, purée de pommes de terre et mousse au chocolat. Elle a un peu perdu la main, mais heureusement personne ne s'en rend compte. Les jeunes gens, s'il leur arrive de consommer de l'alcool, s'abstiennent devant leur ami. Jeff admire beaucoup la voiture de Faustine. Il demande l'autorisation de la conduire. Sa joie de gamin fait plaisir à voir. Pour commencer, il passe par le restaurant dans lequel Faustine a travaillé 6 mois autrefois. Tout a changé, tout sauf le patron Philippe, toujours placide, égal à lui-même. Le temps d'un partage de quelques photos souvenirs et le trio repart. Après un arrêt dans un magasin d'artisanat indien, ils atteignent Linden. C'est à ce moment-là qu'ils réalisent qu'ils ont oublié leurs clés. Faustine ne verra que l'extérieur de la maison à 80 000 $ pour laquelle le jeune couple vient de signer. Les voilà coincés pour 20 ans, mais cela, bien sûr, elle ne le dira pas. Le lendemain, c'est le cœur serré, sachant qu'elle ne les reverra plus, que Faustine quitte ses amis et poursuit sa route. Prochain arrêt, Paul et Lynn. Lynn, toujours pareille à elle-même, hyperactive et volcanique, s'est lancée dans l'élevage de chiens de race. Il y a dans sa cuisine plusieurs cages immenses contenant des caniches géants pomponnés à outrance, coiffés d'une manière ridicule, mais qui, semble-t-il, plaît aux acheteurs. Lynn partage la vidéo d'un concours canin dans lequel, exhibant un de ses pensionnaires de manière très professionnelle, elle remporte le premier prix. Quand elle ne s'occupe pas de ses chiens, elle remplace une amie dans une épicerie en ville. Le week-end, Paul et elle réparent un vieux rafiot qu'ils espèrent voir flotter un jour sur le Potomac. Ils le font visiter à Faustine, puis l'invitent à manger du crabe dans le restaurant d'à côté. Bien que bon vivant et buveur, pendant tout le séjour de Faustine chez eux, le couple se passe de boire afin de ne pas tenter leur ami. Ils n'ont jamais reloué l'appartement du dessous dans lequel ont vécu Faustine et Maxime avec Julien. Pendant les longues soirées au coin du feu, le couple élabore de grands projets parmi lesquels la visite des musées d'Europe n'est pas des moindres. Un jour, peut-être, on se retrouvera de l'autre côté de l'Atlantique. Prochain arrêt, Donald et Colleen. L'ancien patron de Maxime et son épouse résident à quelques centaines de mètres de là, et pourtant c'est un autre monde, celui du commerce international. Si Colleen est toujours aussi chaleureuse vis-à-vis de Faustine, Donald met du temps à se dérider. Il finit par demander à son invité si elle était au courant des intentions de son ex-époux. Il a du mal à digérer le coup de poignard dans le dos que lui a infligé son poulain en partant travailler pour la concurrence. S'attendait-il à ce que le couple reste aux USA et que Maxime prenne sa suite? Question sans réponse. Malgré tous ses efforts, Faustine peine à lui expliquer qu'à l'époque, elle n'avait pas du tout conscience de la situation. Maxime gardait ses manipulations pour lui. Colleen change de conversation diplomatiquement, indique sa chambre à Faustine, puis commence à préparer le repas. « C'est le seul qu'ils prendront ici, » explique-t-elle, « car ils sont attendus dès le lendemain au club. » Étant responsable de l'organisation du buffet mensuel, elle se doit d'être sur place avant les autres pour tout préparer. Faustine sera ravie de donner un coup de main. Lorsqu'ils ont pris leur retraite, Donald et Colleen se sont fait construire une très jolie maison dans un complexe résidentiel en bordure du fleuve Potomac. Faustine s'installe dans la chambre d'amis, avant de se rendre en cuisine où Colleen officie. Le club fait partie du complexe. Ses membres comprennent les résidents ainsi que leurs familles. Ce n'est pas une maison de retraite, mais un village de retraités. De loin, il est assez intéressant d'observer comment le troisième âge meuble sa solitude aux États-Unis. Enfin, ceux qui peuvent se le permettre, bien entendu, et ne sont pas les plus nombreux. Heureusement, Donald a accumulé une petite fortune avant de revendre sa société. Ses vieux jours sont assurés, en dépit des déficiences du système social américain. Ici non plus, personne n'offre d'alcool à Faustine. Par contre, il s'ingénue à lui composer toutes sortes de cocktails délicieux, autant qu'inoffensifs. Pendant son séjour, la jeune femme se renseigne sur la possibilité de participer à une séance des alcooliques anonymes. Après tout, c'est dans ce pays que le mouvement a été fondé. Il serait intéressant de voir comment il a évolué. Il y en a bien une le lendemain à Gainesville. Faustine s'y rend enthousiaste. L'accueil est gentil, mais assez indifférent. La nouvelle venue prend place parmi les autres dans la salle presque pleine. Elle écoute attentivement les interventions, sans reconnaître le genre de complicité qu'elle apprécie tant dans les séances lausannoises. On dirait que les participants se sentent punis, honteux ou coupables d'être là. Alors que Faustine s'attendait à les trouver heureux d'être entourés et confortés dans leur désir d'arrêter de boire. Ce jour-là, cela fit précisément un mois que Faustine a arrêté. Elle le signale au modérateur en fin de séance et reçoit sa médaille. Pendant la pause café, elle tente de se mélanger aux autres, mais personne ne lui adresse la parole, ne lui demande d'où elle vient ni ce qu'elle fait là. Elle gardera de cette expérience une légère pointe de frustration. Le lendemain, elle envoie une carte postale à Gilles. « Ah, si tous les alcooliques du monde pouvaient se tenir la main !» écrit-elle. Étape suivante. Ed et Marie. Ed était graphiste et imprimeur chez Don White Inc. Il a été mis à la retraite prématurément lorsque Donald a décidé de vendre la société suite au départ de Maxime. Sa femme, Marie, est toujours restée femme au foyer. Ses enfants devenus adultes, elle officie désormais en tant que bénévole dans de nombreuses institutions. Leur fille, Rebecca, a épousé un chirurgien de talent. Installés en Floride, ils ont une fille de 4 ans et un garçon de 2 mois. Becky a beaucoup insisté pour que Faustine fasse un saut chez eux avant de rentrer. C'est bien joli, mais la route est longue et le trajet en avion cher. Finalement, Faustine se laisse tenter. Elle fera des économies plus tard. Pour l'heure, Marie lui fait visiter sa superbe maison. Jardin d'hiver, véranda, loggia, immense terrain, potager, basse-cour avec dindons, pans et, accessoirement, des poules, piscine et verger. Une ferme miniature, petit rêve américain sans prétention, gagné à la force du poignet. Ce couple, plus âgé que ses parents, fait beaucoup de bien à Faustine. En avril, il fait encore frais et le feu brûle dans la cheminée. Marie s'est installée avec son tricot et encourage Faustine à raconter sa vie. Elle l'écoute avec indulgence et sans jugement. Lorsque vient son tour de répondre aux questions de la jeune femme, elle confie regretter que sa fille chérie ne se soit pas mariée dans sa propre foi, son mari étant de confession juive, et que son fils soit parti à l'autre bout du monde pour quelques années. Le lendemain et les jours suivants, elle entraîne Faustine dans les maisons de retraite des environs. Ed est devenu bénévole à l'hôpital après son opération du cœur. Cela l'occupe pendant les mois d'hiver lorsqu'on ne peut rien faire au potager ni au jardin. Bien sûr, ici, personne ne boit. Faustine garde de son passage chez eux le souvenir émouvant d'une visite dans une de ces maisons de retraite. Marie l'a introduite auprès d'une femme très âgée en lui demandant de la distraire. La pauvre fille, n'y étant pas du tout préparée, s'est trouvée complètement perdue et incapable d'apporter un minimum de joie à cet inconnu. Mais à quoi sert-elle sur cette terre ?